Voici l'humeur de Guillermo Guil. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hola, señor. Ça va, les amigos? Très bien. Ouais. Ça va, les amigos? J'étais en terrasse là avec Alain Finkielkraut et on parlait de l'émission de Charline. Elle me disait, moi, les Belges je peux pas. Je fais, mais toi tu peux personne, Alain, c'est pas un critère. Et il sait même pas que je suis belge. Ça fait 20 ans qu'on est comme des frères avec Alain. Il croit toujours que je viens du Vercors. Et là donc on a débriefé ma saison. Comme moi. Et il m'a fait Ernesto, fils du croissant de lune. J'étais pas beaucoup entendu cette année. Et j'ai dit, sans blague. D'habitude je fais 45 chroniques par an. Là j'en ai fait 6. Il y a eu 6 semaines normales sur l'année. Le reste du temps, c'était l'apocalypse entre les grèves, le confinement, mon bébé avec Leïla, que je salue d'ailleurs. Hein, il s'appelle Nagui, mon fils, ma bataille. Ouais, on l'a appelé Nagui, en tout cas jusqu'à sa puberté. Hein. Dès qu'il aura une taille normale, on lui donnera un vrai prénom. Robert, je pense, parce qu'on l'a conçu à Béziers, hein, devant le maire de la ville, qui était avec son filleul, Tom Villa. Ah. On lui fait un gros bisou d'ailleurs. Mon ami. On lui fait un bisou à Leïla. Ah oui. Qu'est-ce que ça manque? Qu'est-ce que Leïla, ça manque dans cette émission? Une question qui tient à la route. Hein, reviens vite, signez les invités. Hein, quelle saison, putain. Et je vous dirais bien, on se revoit en septembre. Mais bon, va savoir. Franchement, si ça se trouve, en septembre, le président sera un des chevaliers du fiel. Premier ministre Enrico Macias. À la culture, Sophie Davant. Elle aura revendu Radio France en pièces détachées, là, à des antiquaires amateurs. Le bureau de Laurence Bloch, 120 euros, 170 avec les sachets de coke. Hein, ça peut être hallucinant, les changements. Peut-être que le virus va muter atrocement et que l'équipe de France va jouer un football offensif. Salaud, tais-toi, tais-toi. Peut-être que la bande originale serait présentée par un zombie. Et je dis pas que ce serait moins bien avec Tanguy Passero, hein. Je dis juste qu'inviter uniquement Michel Sardou, Jean Reno et Véronique Genest, limite, ça va. Mais quand tu vas faire une spéciale Brigitte Bardot, ça va se voir qu'on s'est droitisé, quand même, vraiment. Ça va déstabiliser nos auditeurs. Enfin, ce qu'il en restera, hein, vu la canicule. Hydratez-vous, hein, par pitié. En audience, on était premier avant la pandémie, et là, on est repassé 17e, hein. Ah ouais. Il a fait du mal, ce confinement. Enfin, ceci dit, ça fait 4 mois que j'ai pas démesté, record battu. Abstinent si longtemps, ça m'était pas arrivé jusqu'à l'école primaire, en fait. Et pourtant, j'ai grandi en Belgique, hein. Mais une abstinence pareille, j'ai peur que ça altère mes comportements à long terme. Regardez Daniel, il a pas ken depuis la victoire de l'OM en Ligue des Champions. 93. Ça vous frappe pas sur Zoom, il fume clope sur clope, on voit jamais un cendrier. Vous croyez qu'il est où? Je suis ton père. Hein, ah, perdu. Voilà, c'est mon nouveau genre de blague. Hein. C'est mon nouveau genre de blague. Il faut ratisser large maintenant pour récupérer des auditeurs. Et si vous avez des plaintes, réécoutez la chronique d'Annie sur Stel d'hier, hein, sur les doigts. Réécoutez-la, il n'y a pas de problème. On a vécu une pandémie, putain. Et ça se trouve, en septembre, on va avoir pire qu'une pandémie. Vous savez ce qu'il y a de pire qu'une pandémie? 2 pandémies. Voilà, je vous ai dit, j'arrête avec les blagues sophistiquées. Ah ouais, t'as raison. Arrête. Non, 2 pandémies. Voilà, ça fait rire les enfants. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est nos auditeurs de dans 80 ans. Moi, je travaille pour l'équipe, hein. Donc, vas-y, Albert, tire sur mon doigt. Donc, alors, tiens, en parlant de ganache. Si ça se trouve, en septembre, il y aura une guerre. Et comment vous dire qu'en Belgique, s'il y a une guerre, on a déjà le plus de morts par habitant quand on se bat contre un virus. J'ose même pas imaginer si l'adversaire, il a un képi. Sérieux, Fanny Ruet et moi, en septembre, on sera peut-être dans les tranchées. Je serai, attaque, Fanny, attaque, attaque. C'est vrai, moi, j'ai fait 4 saisons sur France Inter. Obligé, je serai son sergent. Elle devra m'obéir, c'est sûr. On ne peut rien prévoir. Peut-être qu'on aura une famine en septembre. Et on verra qui critique encore la cantoche de Radio France. Tout ça parce que son plat signature, c'est les carottes râpées. Moi, je vous dis, 2020, c'est l'année où on a appris qu'on savait rien, qu'on pouvait rien prévoir. Mais si on s'en sort, je serais quand même content de vous retrouver. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo.